Chapitre 2. La pièce d'or à l'effigie du roi. Bien qu'il demeurât indécis sur la manière de se présenter devant le jeune seigneur français, le petit joueur de violon n'en poursuivait pas moins sa course à travers les offices, les cuisines et les longs corridors de l'auberge del Santo Spirito. Un valet qui portait un plat, ayant sans doute oublié quelque chose à l'office, aperçut le petit Florentin et, le prenant pour un garçon de l'auberge, lui posa son plat dans les mains, lui jeta sa serviette sur les bras et lui disant « Bah !» le poussa vers la porte de la salle à manger. Comme s'il n'avait pas fait autre chose de sa vie, et prenant tout de suite sa résolution, le petit Florentin entra hardiment dans la salle à manger, remit son plat au maître d'hôtel et se prit à chercher des yeux l'excellence Louis d'Or. Hélas, en l'apercevant, toute son assurance l'abandonna. Ce n'était plus ce jeune étranger, doux et rêveur, s'abandonnant à une causerie bienveillante avec un pauvre petit artiste inconnu. C'était un grand seigneur, à l'air noble et fier, au front superbe, à la parole haute et brève. « N'importe, » se dit à part le petit Florentin, « je finirai peut-être par avoir assez de courage pour lui remettre son louis d'or. Et puis qui sait, quand il m'apercevra, sans doute il me parlera le premier, il avait l'air si bon tout à l'heure. » Fort de cette idée, il se glissa derrière le duc de Guise, et sa serviette sous le bras, il disputait avec les autres valets d'empressement et de précision à servir le prince et à prévenir ses moindres caprices. Mais tout cela, peine inutile. Il avait beau se hâter de changer l'assiette du prince, ou de lui verser à boire aussitôt que celui-ci soulevait son verre. Le prince se voyait une assiette nouvelle devant lui sans s'inquiéter de l'individu qui le servait. Il se voyait remplir son verre sans regarder quelle main le remplissait. Enfin, le souper s'acheva. Le duc et les seigneurs de sa suite se levèrent de table, et l'instant du départ arriva avant que le petit Florentin eût trouvé le moment de remettre son louis d'or au prince. Ne sachant plus comment faire et perdant tout à fait courage, le petit Florentin avisa un laquais du duc. « Pardon, signor, lui dit-il, pourriez-vous me faire parler à votre maître avant qu'il remonte en carrosse ?»« Le plaisant drôle, qui veut parler à monseigneur le duc de Guise ?» dit le laquais, faisant le geste d'un homme qui se dispose à lancer un coup de pied. « Frappez, si cela vous plaît, » répondit le petit en relevant fièrement la tête. « Mais faites-moi parler à votre maître. Frappez donc. Je ne vous rendrai pas votre coup de pied. Soyez tranquille. »« Certes, quand tu me le rendrais, » fit le laquais avec mépris. « D'abord, je ne le donnerai pas de la même manière que vous, » reprit l'enfant avec un grand sang-froid. « Vous, vous le lanceriez comme cela, c'est bien, vous êtes grand et fort. Mais moi, qui suis petit et faible, je vous le donnerai comme cela. Tenez, examinez, un croc en jambe et crac !» Votre nez irait prendre la place de vos talons, vous comprenez? Mais rassurez-vous, mes pieds resteront au repos. Seulement, je vous en prie une seconde fois, faites-moi parler à votre maître. » Ne pouvant s'empêcher de rire de l'air grave avec lequel le petit Florentin avait expliqué sa théorie du coup de pied et de sa ténacité à parler au duc, malgré ses menaces, le laquais répondit. « Eh bien, que lui veux-tu à mon seigneur ?»« Je veux bien vous le dire, » répondit l'enfant sans rien perdre de sa gravité. J'ai joué du violon devant votre duc, il en a été content. Cela ne m'étonne pas. Il y en a bien d'autres que j'ai contentés. Pour me prouver sa satisfaction, il a pris au hasard dans sa poche une pièce de monnaie et me l'a jetée. C'est bien jusque-là. Mais quand j'ai ramassé la monnaie, j'ai trouvé que c'était une pièce d'or. Eh bien, où est le mal ? Demanda le laquais. Le mal n'est pas dans la pièce d'or, signor français, reprit le petit Florentin. Il serait dans mon action si je la gardais. C'est pour cela que je vous prie de me faire parler à son excellence, afin que je la lui rende. « Est-il bête, ce petit ?» dit le laquais en levant les épaules. « Puisque monseigneur t'a donné ce louis d'or, il est à toi et tu peux bien le garder. »« Vous n'avez donc pas compris, seigneur français, que le duc se sera trompé. On ne donne pas un louis d'or pour un petit air de violon. »« Et si c'était un effet de votre bonté ?»« Tu es stupide, italien, » dit le laquais en tournant le dos au petit joueur de violon et s'éloignant. « Stupide, stupide !» répéta le petit Florentin avec dépit. « Si ce seigneur me donnait cela en me disant « Tiens, Baptiste, voilà une pièce d'or, je te la donne. »« Certes, oui, je serais stupide de ne pas la garder. » »« Mais il s'est trompé. Ces grands seigneurs sont si étourdis, si négligents. »« Ils ont l'air de si peu tenir à leur argent que je parie bien qu'on pourrait les voler, si on le voulait bien. »« Mais je ne le veux pas, moi. »« Mon père, en mourant, m'a bien répété « Sois honnête homme, Baptiste, et Dieu t'aidera, et tu seras heureux. »« Et je veux être honnête homme, moi, en dépit de ce vilain valet. » qui fait avec moi l'office du mauvais ange. Mon bon ange m'inspire. ajouta Baptiste en se rendant dans la cour, et c'est lui seul que je veux écouter. Je ne veux pas qu'en arrivant à Paris et en comptant son argent, il se dise « Il me manque un louis d'or ». Qu'en se rappelant la pièce qu'il m'a jetée, il prenne une mauvaise opinion de moi. Non, non, je ne le veux pas. La nuit était alors tout à fait tombée, une nuit sans lune, c'est-à-dire une nuit très obscure. À la lueur de quelques torches, Baptiste vit tous les apprêts d'un départ prochain. Le prince était remonté dans son carrosse avec ses gentilshommes. Tous ses pages et ses valets à cheval n'attendaient que le coup de fouet du postillon pour se mettre en mouvement. Un moment encore et Baptiste voit, avec l'effroi d'un cœur honnête et naïf, s'évanouir l'espoir de sa restitution. Que faire? Que faire? Déjà le postillon a enfourché son porteur. Le fouet siffle dans sa main nerveuse. Une, deux, trois, les cavaliers prennent la file, le carreau s'ébranle, il ne va encore qu'au pas, mais une minute encore, et il aura disparu. Ma foi, au grand mot, les grands remèdes. Baptiste n'hésite plus. Il saute sur le marchepied du carrosse, s'y cramponne, s'y maintient, et à la faveur de l'obscurité, passe inaperçu à travers les gens du prince. Le voilà hors de Florence. Suivons-le sur la route de Turin, mes jeunes lecteurs.